Et voilà, ça y est, c'est parti, le retour de Jukebox. Salut Marcus. Salut, et puis bon courage à Phil qui est coincé quelque part sur la route, sans essence et sans carte de plus, ouais, sans carte bleue. Moi j'ai dit que je voulais pas le coincer à l'antenne, mais bon, voilà, c'est du filou tout craché quoi. Oui, bah il a dit qu'il nous rejoindrait, mais il était à Nancy quand il a appelé il y a un quart d'heure, c'est ça? Oui, et puis ouais, il avait toujours pas d'essence. Bah écoute, tu seras peut-être là avant la fin de l'émission, hein. Bon courage Philou si tu nous écoutes, et puis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors on va quand même démarrer, hein, oui. Un peu en musique quand même. Donc moi j'ai pris des disques absolument au hasard. Alors je vais vous faire écouter The Untouchables. C'est un groupe alsacien et c'est assez rock. Enfin vous verrez bien, c'est sympathique. Voilà, on s'écoute le premier morceau. Je ne sais même pas s'il a un nom. Si, ça s'appelle Pick Up with a Hick Up. My baby with my picker, the middle of the forest, his picker got a hiccup. I pray to heaven and I pray to hell. Well, the dog dudes in the stop ever again. Well, the king couldn't break up his little ramen up. They got me shook up a little bit loud in the yard of yonder. The picker got a hiccup. You're such a wonder. At my baby with my own call, middle on the roof, this kid give me all the hiccup. I pray to the Lord and I pray to hell. Well, don't do this in stop ever again. Well, begin to kiss, couldn't break up this little woman out. They got me shook up a little bit of loving in the yard of yonder. Really got a hiccup. Come such a wonder. Such a wonder, who's such a wonder? I shuffle to the left and I shuffle to the right. I build my baby so quickly and so tight. Middle of the forest, she give me all the rest. And don't you know why? Such a wonder, wonder, wonder. Well, we'll begin to kiss, so couldn't break up. This little woman up and got me shook up. A little bit of loving in the yard yonder. Think you got a hiccup? Such a wonder. This little woman out that got me shook up. A little bit of loving in the yard of yonder. This little girl got a hiccup. You're such a wonder. Ça a l'air de se terminer comme ça. Ouais, alors voilà, un petit rock'n'roll pour se mettre en train. Ah, très bien pour démarrer. Pendant que la tempête sévit dehors, waouh. Très bien pour démarrer tout ça. Profitez-en, restez dans vos fauteuils, écoutez la bonne musique et puis vous êtes bien au chaud, voilà. Vous êtes bien installés chez vous et nous on va vous concocter des bons petits morceaux pour que vous puissiez passer une bonne petite soirée. Alors le morceau suivant, moi je crois que je voulais déjà passer mais je suis plus sûr. Il s'appelle... Mountain Bottom Blues, Bottle Blues. C'est Brian Keith Wallen. Un gars tout seul à la gratte, mais franchement, ça vaut des points. Allez. On s'écoute. Mmh. got a medicine bottle, I got a cheap case of wine. I might be alone tonight, everything's gonna be just fine. I just found out my baby's going far away. I know she didn't love me, but that don't take away the sting. I know she didn't wanna be by my side, but that don't really change a thing. I just found out my baby's leaving town today. Might think it's funny, yeah, but pardon me if I don't laugh. Just don't get the joke. Oh, what I feel is more like a heart attack. I just found out my baby's headed down the road, down the road. So why? Oh, I might be alone tonight. Everything is gonna be just fine. I just found out my baby's going far away. Just found out that she's leaving town today. I just found out my baby's leaving me today. C'est bon ça. Et voilà, quand on est doué, un mec tout seul à la gratte, voilà oui, ce que ça hein, donne. Ça c'est quand même assez extraordinaire. Hein. Waouh. Ben, moi je vais enchaîner avec quelque chose d'assez différent. Je vais vous passer du Plume la Traverse. Ah, Plume la Traverse, ça, ça fait plaisir. Québécois, qui est né en 46, qui est considéré comme un des représentants les plus significatifs de la contre-culture québécoise. Donc il a démarré dans les années 60, il joue toujours aujourd'hui, et il avait d'abord fait un groupe qui s'appelait la Sainte Trinité, et puis rapidement, il a juste sorti un album avec ce groupe-là, puis après carrière solo, quoi. Et donc guitare, harmonica, piano, chant, enfin il sait un peu tout faire, et là la chanson s'appelle « La balade des caisses de 24 », je pense que vous comprenez à quoi il fait allusion. Ouvrez grand vos oreilles. À la recherche d'une bouée, oh, oh, oh, oh, oh. Les yeux noyés dans le fond des cernes comme des yeux de zombies marinés, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dérivé de bière vide en bière pleine dans le matin ensoleillé, se sentir gonfler la bédaine comme un montgolfière essoufflé, poigné aux portes de l'Éden, avec une maudite envie de pisser sa peine. en taverne comme un chien perdu sans collier. Oh, oh, oh, oh, oh. De quarantaine en plein hiver avec les épaves ballottées. Oh, oh, oh, oh, oh. Coulé dans la brume qui te cerne comme un vieux pirate attaché à la patte d'une chaise de taverne. Avec la jambe de bois ancrée dans la vase des amours passés, je meurs de soif auprès de la fontaine. Errer de taverne en taverne, incognito, le cœur léger. Laissez flotter les idées ternes, quel beau feeling de liberté. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Crissa, Diabla, Crissa, bonne femme, d'avoir si boire. Tout nu dans rue, vendu tout mon ménage pour boire. Là, je sors le soir, l'amour me hante, la nuit m'enchante, je suis libre comme l'air, je prends une petite bière, je sors sur le trottoir, les oiseaux chantent. Taverne en taverne avec les joyeux naufragés. Oh, oh, oh. Errer de taverne en taverne pour se donner l'impression de bouger. Québec, Québec! Oui, ça se termine comme ça. Voilà, en concert. Ouais, ça devait être pas mal, un concert avec Lubla Traverse. Ah oui, oui, mais ouais. je suis étonné qu'il tourne encore. Je bah écoute, que... c'est ce qu'ils disent, après, voilà. Voilà, ce petit live, il datait de 2009, oui, bon, c'est vrai que c'est... C'est déjà pas mal. Oui, je sais, je pense pas qu'il se fatigue beaucoup à sortir encore des disques et des disques, mais bon, il doit continuer. De toute façon, ces gens-là, ils s'arrêtent jamais de chanter. Hein. Sans vrai. Qu'ils ont de la voix, ils y vont, hein. Alors, on va faire dans nos styles, on va tomber sur du rock français. Un des plus gros bids de Serge Gainsbourg, il s'est pas vendu cet album, c'était Rock Around the Bunker, il s'est pas vendu du tout. Et pourtant, il y a des morceaux bien rigolos, entre autres, je vais vous passer le Nazi Rock. Excellent. Des longs couteaux. Enfilez vos bas noirs, les gars. Ajustez bien vos accroches, bas, vos porte-jartelles et vos corsets. Allez, venez, ça va se corser. On va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Ouais, on va danser le Nazi Rock. Maquillez vos lèvres les gars avec des rouges délicats. Faites-vous des bouches sanglantes ou noires ou bleues. Si ça vous tente, on va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Ouais, on va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Boucle blonde, les gars, mettez fixatif et corps gras, n'épargnez ni ongles ni phares. Venez avant qu'il soit trop tard, on va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. Ouais, on va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. On va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. On va danser le Nazi Rock, Nazi. On va danser le Nazi Rock, Nazi, Nazi, Nazi Rock, Nazi. balance-le. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On balance-le. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On balance-le. Nazi rock, Nazi, Nazi, Nazi rock, Nazi. On balance-le. Et voilà, donc un album qui n'a pas marché, qui était bon pourtant. Ben oui, tu vois, hein, faut pas toujours tout comprendre, hein, mais c'est pas grave, on les retrouve après. Et alors moi je vais vous passer une chanson de Ayo. Ayo qui est née en 81 et qui est une chanteuse allemande. Sa mère était une tzigane allemande et son père est nigérian. Et elle-même, elle a vécu un peu partout, en Allemagne, à Paris, aux États-Unis. Et là, elle est de nouveau à Paris depuis 2011. Elle parle, elle chante la plupart du temps en anglais, elle parle français couramment. Et elle est auteure, compositrice, interprète, guitare, piano, chant. Et là, c'est une reprise que je vais vous passer en premier. Là, ça s'appelle « Né quelque part ». Donc voilà, je pense que vous voyez bien d'où ça sort. Et si on peut, par la suite, je vous passerai un morceau de son dernier album. L'album s'appelle Royal, il est sorti en 2020. Donc on verra ça après, mais enfin pour l'instant, on va s'écouter « Né quelque part ». Très jolie interprétation. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Être né quelque part. Être né quelque part pour celui qui est né, c'est toujours un hasard. Des oiseaux de basse-cour et des oiseaux de passage. Ils savent où sont leurs nids, qui rentraient de voyage ou qui restent chez eux. Ils savent où sont leurs œufs. Être né quelque part, c'est partir qu'on veut, revenir qu'on part. C'est go endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Est-ce que les gens naissent égo endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. On choisit pas ses parents, on choisit pas sa famille. On choisit pas non plus les trottoirs de Manille, de Paris ou d'Alger pour apprendre à marcher. Je suis né quelque part. Je suis né quelque part. Laissez-moi ce repère où je perds la mémoire. Égo endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. Est-ce que les gens naissent égo endroit, à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareil ou pas. j'en espérais ou pas. Est-ce que les gens naissent égaux en droit à l'endroit où ils naissent, que les gens naissent pareils. Made a promise when I spoke my vows. I said in my heart only you can house. And there will be thunder and there might be quakes, but a wall built of love surely never breaks. No one love me on all, that's just more rest assured. In you I found what I've been looking for. Rest assured, I won't love you no less, just more. Rest assured, you don't have to worry at all, at all, at all. Don't worry at all. Deserve me, you say I'm too good for you, but baby you're so much better than you think you are. Whenever I feel down, you come and lift me up. Loving you is easy and I will never stop. I won't love you no less, just more. Rest assured, in you I find what I've been looking for. Rest assured, I won't love you no less, just more. Rest assured, you don't have to worry at all. You're not afraid, not fear doubt, not afraid. Nobody care what anyone say. You're not afraid, not fear doubt, not afraid. Me love ya like butter love bread. You're not afraid, not fear doubt, not afraid. Nobody care what anyone say. You're not afraid, not fear doubt, not afraid. Love ya like butter love bread. I won't love you no less, just more. Rest assured, in you I find what I've been looking for. Rest assured, I won't love you no less, just more. Rest assured. Rest assured, you don't Ayo, qui s'appelle en réalité Joy Olason Mibio Ogun Makim. Donc Joy qui veut dire la joie, et Ayo qui veut dire la joie aussi, dans la langue nigériane de son père. On va retenir Ayo, hein, ce sera plus simple. Ouais, Ayo, c'est plus facile. Hein. Et qui a eu en 2014 le prix de la meilleure interprète féminine au Globe de Cristal. Donc les Globes de Cristal récompensent l'excellence française dans les arts et la culture, s'il vous plaît. Voilà, ben, moi je me suis fait plaisir, j'espère que vous aussi. Donc le deuxième morceau s'appelait Rest Assured, et puis il est tiré de l'album Royal qui est sorti en 2020. Donc vraiment tout récemment. Ben moi je reste sur les vieux trucs, c'est pas de ma faute, je suis resté bloqué. Alors c'est pas que je sois un grand fan, mais il a quand même fait des beaux morceaux. Nelly Young, Là je tape dans les classiques tirés de son album Harvest, Bon, voilà, comme... que j'ai à la maison en 33 tours. Ouais, beaucoup de monde là, oui. Ouais. Out on the Weekend. Thank you. Voilà, du tout cool. Ouais, hein. Neil Young. Neil Young, ça me rappelle mon adolescence. Eh oui. J'avais des copains guitaristes qui aimaient bien jouer Stephen Stills, Neil Young, enfin bref. Guitare folk, c'était les découvertes des guitares folk, là. Là, j'avais plein de copains qui passaient aux guitares folk, là, c'était du bon son, ça. Et ouais, bon, ça date un peu tout ça. Moi, je vais vous passer du Lavilliers, ça date aussi, hein. Il est quand même né en 46, c'est impressionnant. Il chante depuis 65, c'est impressionnant aussi. Voilà, donc il est né à Saint-Étienne et bon, ça a été toujours un chanteur engagé, notamment vis-à-vis des sidérurgistes lorrains qu'il soutient depuis plus de 30 ans. Et notamment avec sa chanson qu'il a sortie là, pour Florange, ArcelorMittal, Les Mains d'Or. Ouais, ouais, ouais. Donc là, il a son dernier album date de 2017, il s'appelle 5 minutes au paradis, c'est assez pop-rock. Il a créé une chanson avec Feu Chatterton, qui est un groupe beaucoup plus récent, hein, des petits jeunes, comme on pourrait dire. Voilà, et donc la chanson s'appelle Charleroi. J'ai vu ma ville quand je te vois. J'ai vu ma ville partir en vrille. J'ai vu ma ville partir en friche. J'ai vu ma ville comme je te vois. Même si je sais que tu t'en fiches, que c'est pas ta ville à la finale, que je ferais mieux de me faire la main. Même si je sais que tu t'en fiches, je vois ma ville porte clouée, maison à vendre abandonnée, les canapés sur le trottoir, où quelques vieux viennent s'asseoir. Je sens ma ville comme un amant, trompé par un riche imbécile. Je sens ma ville comme un aimant, ça me rend fou, presque débile. Y'a la mort qui nous fait du charme, et puis ils ont sorti les armes. Les armes. Traverse ma ville à perdre haleine, j'ai l'impression qu'elle raccourcit, que l'amour rôde sans merci. Est-ce de l'amour ou de la haine? Les enfants jouent à se braquer, les écoles à des kilomètres. On comprend mieux pourquoi les maîtres ne fréquentent plus nos quartiers. Une jolie fille, un mur en brique, des kilomètres de voies ferrées. Les rues ne sont plus éclairées, rien d'autre à faire que du trafic. Je vois ma ville comme un amant, trompé par un riche imbécile. Je vois ma ville comme un aimant, ça me rend fou, presque débile. Y'a la mort qui nous fait du charme, et puis ils ont sorti les armes. On entend parler la Calabre, de Palerme et de Napoli. Pour nos yeux verts sous le ciel gris, et la démarche qui se cabre. La Méditerranée est là, glacée dans son cadre de fer, de Rome jusqu'à Casablanca, ils se partagent la poussière. Ils réinventent leur soleil, leur musique et leurs habitudes, leurs couleurs, leurs piments pareils, pour éviter la solitude, la solitude. Sans ma ville comme un amant, trompé par un riche imbécile. Je sens ma ville comme un aimant. Ça me rend fou, presque débile. Je sens ma ville comme un amant, trompé par un riche imbécile. Je sens ma ville comme un aimant. Ça me rend fou, presque débile. Je sens ma ville comme un amant, trompé par un riche imbécile. Je sens ma ville comme un aimant, ça me rend fou, presque débile. Y'a un mort qui nous fait du charme, et puis ils ont sorti les armes. Les armes. Elle est pas mal, hein. Elle est pas mal, celle-là. Ouais, c'est bien. Voilà, du pur Lavilliers, hein, inimitable. C'est vrai, hein, on le reconnaît toujours facilement. Alors, qu'est-ce que tu nous sors ? Eh ben, on reste dans le français, avec les fameux Raoul Petit, qu'on entend malheureusement pas assez à la radio. Mais bon, heureusement qu'on est là. Il tourne toujours ? Oh, il n'y a pas si longtemps, il tournait encore, oui. Bon, c'est compliqué, parce qu'ils ont plein de musiciens de différents groupes. Donc c'est jamais évident de mettre ça en place, leur tournée quoi. Mais bon, ils y arrivent quand même. On avait fait un concert mémorable avec eux. Hein. Oui, absolument. Carton qui était en forme. Ah ouais, oh là là. Carton, c'est le chanteur pour ceux qui savent pas. Donc voilà, c'est pas tout récent. Ça, c'était justement à l'époque où on les a fait tourner. Si tu te souviens des affiches. Voilà. Ok, oui. L'album, c'est, je ne sais même plus. Rire, c'est pas sérieux, voilà. Oui. Et moi, je vous propose une petite histoire. C'est toujours des histoires dans Raoul. Là, ce coup-ci, c'est un chevalier. C'est un grand dragon et qui compte aussi frotte et cuit. Dieu m'en garde à la chaleur de ses trous de nez. Mon armure est dure, mes jointures bien graissées. Et j'espère le ciel m'entend d'éviter les brûlures. Pour vaincre la bébête, je dois avec hâte lui trancher qu'on me pardonne la bite. Sur son donjon aimerait qu'un preux champignon étoxie le dragon. Le roi affamé la serviette autour du cou attend l'assiette à la main que l'animal soit débité. Le chevalier a-t-il un pistolet, une baïonnette ou une massue? Non, le chevalier pourfend avec l'épée et se protège avec l'épée. Et le combat s'engage en soulevant la poussière. on ne voit qu'un nuage qui sort des éclairs. La bête crache des flammes, l'homme frappe du fer. L'un combat pour sa dame, l'autre pour son affaire. C'est un slip en béton que porte le dragon, cousu en fil de plomb par l'empereur Cicéron. Et Tristan plein d'ardeur, qui découvre la faille, en sublimant sa peur, vient rompre la maille. Il voit jaillir l'objet au milieu des écailles. Esquive, frappe le biais et d'un seul coup le taille. Il croit avoir vaincu, mais son espoir s'effrite, frite à l'endroit incongru. Il voit pousser 10 billes. Ah, 10 billes. It's not possible, tell me. Suddenly, in front of this thing, Raoul Petit, ça fait du bien de temps en temps. Et il n'y a quand même que eux pour arriver à mettre dans une chanson du chant lyrique, du rap, du funk, du festif, du reggae, tout ce qu'on veut. Et puis il faut les imaginer sur scène parce que là ils arrivent, alors lui il est déguisé en chevalier, le dragon est représenté, enfin les... En fait chaque chanson c'est une comédie musicale. C'est ça, c'est toujours des histoires. C'est extraordinairement scénique, c'est vraiment, oui c'est... Alors il fait une chanson... Donc il y a tout ce qu'il faut avec, le dragon, le déguisement, les machins, les trucs. Et après, il sort de scène parce que, ben, il faut bien qu'il se prépare pour la suivante. Et entre les deux, il y a les musiciens qui jouent, quoi. Oui. Et au niveau musicien, c'est vraiment du top niveau. Hein. C'est... Ah ben voilà. Ouais, non, mais c'est vraiment du spectacle complet, quoi. Ouais. Ça, il n'y en a pas tant que ça qui le... Ben, oui, il y a des groupes festifs qui, comme Marcel et son orchestre, en fait. Mais bon, Raoul Petit, c'est vraiment particulièrement abouti. C'est pas le même niveau. Non. Bref, bon, c'est, si jamais vous n'avez jamais vu ça sur scène, ben, écoutez, cherchez, ils se produisent bien quelque part, et puis allez-y. Bon, moi, je vais vous... On va passer à autre chose. Oui, hein, bah oui. Ce soir, c'est très éclectique. C'est, voilà, donc je reviens à Tom Waits, on en parle quand même, ouais, de temps en temps. donc lui est né en 49 en Californie, qui a une voix très rocailleuse, et puis qui est ouais, un peu atypique, hein, un peu sort du commun. Et là, moi, j'ai choisi une chanson qui est toute cool, et puis j'aime bien avec sa voix toute rocailleuse. Donc ça s'appelle « Take it with me ». No one knows where we are. It's a long time since I drank champagne. The ocean's blue as your eyes. I'm gonna take it with me when I go. Since gone, now way back when we lived in Coney Island. There ain't no good thing ever dies. I'm gonna take it with me when I go. Far, far away. So blues. Wherever you're going, wherever you've been, waving goodbye at the end of the day. You're up and you're over and you're far away. Felt just like the old days. We fell asleep on Beulah's porch. I'm gonna take it with me when I go. All broken down by the side of the road, has never more alive. Worn the faces off all the cards. I'm gonna take it with me when I go. The children are playing the end of the day. Strangers are singing on got to be more than flesh and bone. All that you've loved is all you own. In a land there's a town, and in that town there's a house, and in that house there's a woman. In that woman there's a heart I love. I'm gonna take it with me when I go. I'm gonna take it with me when I go. J'espère que vous en avez bien profité, que vous êtes les doigts de pied en éventail, répandus dans votre fauteuil, savourez la douce voix très rocailleuse. C'est sympa, cette petite balade. Hein, oui, bah, surtout avec la voix de Tom Waits. Quoi, ouais. Il est quand même fantastique. Non, puis,

Ben voilà, je vous avais pas menti, c'est vraiment du classique. À part le côté sax qu'on n'entend pas dans tous les groupes, mais voilà. George Thorogood. Alors c'est marrant parce que moi je vais vous passer du Sue Foley, qui est une artiste canadienne née en 68 à Ottawa et qui chante du blues et qui s'est fait connaître en faisant les premières parties de Buddy Guy, Tom Petty, Joe Cocker et George Thorogood. C'est assez marrant comme enchaînement, c'est un peu le hasard. Voilà, donc Sue Foley. J'ai choisi un morceau que je t'ai donné le disque et que donc j'ai oublié de regarder le nom du morceau. C'est le numéro 9. T'as pas tes lunettes, ça va être difficile. If you got to go. Bravo. Merci. Voilà, c'est parti. C'était bien, oui. Ah voilà, ça fait du bien par où ça passe. Après, le dernier album sorti en 2010, et pas beaucoup de traces d'elle depuis. Ma foi, je sais pas ce qu'elle devient. Mais bon, en attendant, on se fait plaisir. Voilà. Alors, bon, ben voilà, je suis à la bourre, je vous raconte mes problèmes. Tu parlais de Tom Petty and oui. The Heartbreakers. Ben voilà, j'ai pas trouvé le morceau que je voulais, mais c'est pas grave, on va écouter un autre, et puis voilà, c'est tout. Tom Petty, ça peut pas être mauvais. Bravo. Et voilà Phil qui nous arrive. Il a trouvé du gasoil, de l'essence. J'ai tout trouvé. Mais t'as rien ramené à boire, par contre. J'ai pas eu le temps. Bon, il a pas eu le temps. Tant pis, hein. Tant pis. J'ai soif. Eh ben voilà du renfort. C'est bien, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est bien. Alors, c'était à moi. Hein, avec ton Confederate Railroad. Avec mon Confederate Railroad, tiré de l'album Notorious, en français dans le texte. Alors, le morceau s'appelle Move Over Madonna. Bon, c'est du rock géorgien, rock sudiste, quoi. Voilà. On est assez rock ce soir. C'est pas courant. I was a child, born to the blues and bound to survive. I'm living against the odds, like my next chance is all I've got. So go on and roll the dice. For the moon. was under a spell, I ain't over yet. She turned me loose on a black magic night. I bet my soul to a blue devil's dare. Had me some chances, but never a prayer. So go on and roll the dice. Voilà, bah c'est du bon son, quoi. C'est de la bonne country. Voilà. Hein, il n'y a rien qui dépasse. Ça fait un peu fabricant studio. Voilà. Typiquement ricain. Oui, c'est ça. Ouais. Et finalement, tu prends plusieurs groupes, tu les mets, puis c'est un peu tout pareil, quoi. Mais bon, ça reste des bons musiciens. Bon, bah, Filou, maintenant oui, que te voilà. Et ben, maintenant que me voilà. Oui, d'accord. J'ai fouillé dans mes albums, là, et j'ai retrouvé plusieurs albums, et c'est des vraies pépites. Donc, c'est un artiste très... Je vois le frère Arcus qui se prend déjà la bille. Non, c'est un artiste très connu. Mm-hmm. C'est assez étonnant. Quel pays ? Je ne dirais pas. Pas d'indice. Ah, pas la d'indice. Vache. Alors, il doit être un des premiers à avoir récupéré les machines à faire des sons, à mélanger des séquenceurs, des machins où tu branches des fils partout et puis ça fait des sons bizarres. Donc, il a dû s'amuser dans sa cuisine pour tout cet album-là. Et le morceau que nous allons écouter s'appelle Bogey Music. Alors, si vous trouvez qui c'est, à part les officiers... Vous avez le droit de téléphoner à Radio Gémozo sur le 107 au 03 29 62 40 40 et vous gagnerez le plaisir de passer à l'antenne et d'annoncer vous-même le nom du groupe. On va en passer plusieurs morceaux parce que c'est vraiment... Je me suis dit, tiens, j'avais ça à la maison. Je l'ai toujours mal écouté ou je ne sais pas quoi. Et je l'avais même en vinyle, celui-là, en plus. Donc, ce qui est assez étonnant. Life for the dreams, with our one. Rock'n'roll festif. Étonnant, non ? Je vous donnerai pas le nom de l'auteur tout de suite. On va passer plus tard à un autre morceau. D'accord, le suspense continue. Au bout du deuxième continue. Ou du troisième. tu nous donneras un indice quand même. Vous le trouverez tout seul. Oui, c'est, c'est bon, on verra bien. Bon, pour l'instant, je sèche sérieusement. C'est un morceau qui date de 1980. Bah oui, c'est étonnant. Hein. Oui. Ok, on ça enchaîne. Ça va me réconcilier avec les années 80. Ça change du disco. Alors, un artiste que j'aime bien, mais j'y peux rien, j'arrive pas à m'en défaire. G Love and Special Sauce, toujours aussi bon ça. Et je sais même plus quel morceau je vous passe. Ah bah c'est l'éponyme de l'album. Yeah, is that easy? Losing the sun. big to fit me to buy it. The way is too heavy, the length is too long. Slowing down the everybody, get along. Teach with the teach, would you listen to the sensei? You're not my brother, yeah, it's not easy. Eh ben, G-Love, c'est excellent. C'est bien, hein. Ah oui, pas de problème. J'adhère complètement. Et Marcus, Philippe, il a fait une photo du disque. J'ai une petite tête, je me souviens pas, donc je suis obligé de photographier. Ouais, mais c'est pas toujours que tu fais des photos des disques de Marcus. Ah, si, ou je les connais déjà, mais celui-là... Une découverte. Ouais, voilà. Non, ça fait plusieurs fois qu'il en passe, et chaque fois j'oublie le nom, je pars... Voilà. J'oublie le nom. Maintenant, t'as un album photo. Ouais, c'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Alors, on continue avec la I Love It. La I Love It. Ouais. Ah ouais, c'est bien la I Love It. Ah bah ouais. Alors, c'est tiré de l'album qu'il a fait with his large band. Je l'ai vu sur scène avec ce fameux large band. C'était extraordinaire. C'était vraiment une très très belle soirée. Bref, donc le morceau s'appelle That's Right, You're Not From Texas. Not from Texas, and man, as if I couldn't tell. You think you pull your boots on right and wear your hat so well. So pardon me, my laughter, as I sure do understand. Even Moses got excited when he saw the promised land. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. I was born and raised in Texas, and it means so much to me. And know my girl comes from down in Georgia. We're up in Tennessee, and as we were driving down the highway, she asked me, baby, what's so great? How come you're always going on about your Lone Star State? I said, that's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. On the road, it looked so lovely as she stood there on the side. And she grew smaller in my mirror as I watched her wave goodbye. Well, those boys from Carolina, well, they sure enough could sing. When they came on down to Texas, we all showed them how to swing. Now David's on the radio, and old Champ still on the guitar, and Uncle Walkie's at home with a hidey in her loving arms. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. That's right, you're not from Texas. That's That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. But those old folks in the city, they don't even know you're there. But at a dance hall down in Texas, that's the finest place to be. All the women, they all look good and beautiful, and their men will buy your beer for free. Now say that's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. Won't you let me help you, mister? Just pull your hat down the way I do, and buy your pants just a little longer. And next time somebody laughs at you, you just might tell them you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas won't you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas won't you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Oh, but Texas wants you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. But Texas wants you anyway. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. That's right, you're not from Texas. Texas wants you anyway. Texas wants you anyway. Excellent, ça. Il y a du groove, il y a tout ce qu'il faut, il y a... Ah ouais, non, puis alors le voir sur scène avec tout ce large band, comme il dit, avec tous les musiciens avec les cuivres et tout. Il y a une énergie que les Américains ont. Puis tu les vois qui s'amusent, alors ils ont une maîtrise du truc qui est incroyable et ça leur permet de s'amuser, quoi. Non, c'était très très bon. C'est carré, ça tient la route. Voilà. Donc un disque sorti en 89, hein, ça date pas d'hier, mais voilà. On continue avec le musicien mystère, là. Il va nous faire saliver jusqu'au bout. Avec un morceau qui s'appelle jusqu'à ce que ça nous lasse. Check My Machine. Alors pareil, c'est un machin, il a dû brancher des fils partout, c'est répétitif, c'est plein de boucles, c'est plein de... Mais il y a quand même un truc, un petit côté envoûtant. On rentre dedans quand on met bien la musique à fond. Et c'est étonnant parce que ça date de 1980, il y avait quelque chose d'un peu en avance, moi je trouve... sur son temps à l'époque par rapport à ça. Donc on écoute la piste numéro 12, Check My Machine. Hi George. Morning Terry. Hi George. Morning Terry. Picture stones may break my bones, but names will never hurt me. Check My Machine. Thank you. This is because it's with Amundsen, Mr. Kellerhurst, the Contrature, British Journeys, Mr. Tate Machines, Fudget, Void, Your Urchurch, just one here. Bon, ben, j'ai jamais rien entendu de pareil. Étonnant, non ? Étonnant. C'est assez étonnant, effectivement. Mais tout le monde le connaît. Oui, certainement. Ah bah... Mais là, franchement... Oui, j'avance pas plus. Non. Ouais, je pense que la réponse va être étonnante. Bon, moi, je vais vous emmener dans un univers radicalement différent, puisque je suis allée voir le trio Joubran à la Rotonde de Tahan-les-Vosges, il y a peut-être, c'était mi-janvier. C'était juste exceptionnel. Donc bon, sur le disque, est pas mal, mais alors sur scène, c'est bien mieux encore. Donc il y avait les trois frères Joubran, donc trois frères palestiniens qui jouent du oud, et puis il y avait avec eux un contrebassiste et puis un percussionniste exceptionnel aussi. Enfin, ils étaient très très bons tous. Et puis il y avait une connivence entre tous les musiciens, une ambiance sur scène qui était vraiment vraiment très très sympa. Voilà, donc je vais pas résister au plaisir de me faire un petit morceau souvenir de tout ça, et en espérant que vous allez bien l'apprécier aussi. Le morceau s'appelle Clay. Voilà, voilà, le trio Joubran, c'est les trois frères palestiniens. C'est son fils d'un luthier de oud. Et voilà. Qu'est-ce que tu regardes? Le trio Joubran, Roger Waters. Ouais, non, mais les trois frères, c'est Atem. Il s'appelle Samir, Wissam et Adnan Joubran. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et okay. Leur père était un luthier de oud. Un luthier de oud. Voilà, voilà. Bon, allez, tu as quelque chose, Marcus? Oui, oui, oui. Bah, on y va. Bah, vu que vous ne me donnez rien, moi, j'y vais. Bah oui, c'est allez, bien. On change un petit peu de style. Allez, retour vers le ska. Avec le meilleur groupe de ska anglais, The Specials. Blam Blam Fever. On était dans Roots. Voilà, bon, il y a plus ancien chez les Jamaïcains, mais côté anglais, c'est pas mal. Eh bien, on va rester en Angleterre avec la solution. Alors, c'est une personne très connue. Oui, ah. On avait cru comprendre, oui, bon. Mais pas de nous. Si, si, si, si, si, vous le connaissez par cœur. Uh-huh. Tout le monde le connaît. Eh bien, pas trouvé. Non. Tout le monde le connaît. Moi, ben, on va écouter le morceau et puis vous allez reconnaître tout de suite rien qu'à la voix et aux mélodies. Ben, ça dépend, s'il chante comme un chat écorché comme tout à l'heure. Bon, le morceau s'appelle When My Feet Are On The Ground. I'm gonna look around and see. See what's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. One of these days, when a job just takes too long, I'm gonna sing my song and see what's right, see what's there, and breathe fresh air ever after. It's there, it's round, it's to be found by you, by me. It's all we ever wanted to be. One of these days, when we both are at our ease, when you've got time to please yourself, see what's round, it's to be found by you, by me. It's all we ever wanted to see. One of these days, when my feet are on the ground, I'm gonna look around and see what's right and see what's there and breathe fresh air. Bon, ben c'est bizarre. Personne ne trouve ? Non, on sèche, on donne notre langue au chat. Et puis personne n'a téléphoné pour dire « j'ai trouvé !» Il n'y a peut-être pas grand monde qui a trouvé non plus. Personne n'a trouvé nulle part, en fait. Mais le début de la 14, tout le monde non, l'a trouvé. Non, c'est bon, on n'a pas le temps. T'as pas le temps ? Non, bon. Ben non. Il est... Non, le prochain morceau, il est long, on n'a pas le temps. Juste le début de la 14. Bon, ben je ne donnerai pas la solution. Bon, ben tant pis. C'est pas grave. On te rendra pas le disque. Allez, on passe à Sophie. Ouais, alors moi je vais finir probablement avec Patti Smith, qui, est-ce qu'il faut encore la présenter ? Marraine du mouvement punk, la rockeuse, donc née en 1946 à Chicago, et qui s'est beaucoup engagée pour tout un tas de trucs, l'écologie, les Pussy Riot, Edward Snowden, la paix dans le monde, enfin bref. Bon, le morceau s'appelle « Dancing Barefoot ». Is back. reasons to be. She has the slow sensation. She is elevating in here. How could it be? Well, I don't know why. Oh, it's been so ceaseless to me. Thank you. Bah, c'est fini. Et ben, et j'ai quand même trouvé, hein, pour on finir. Dit pas, on dit pas. J'ai quand même trouvé. On dit pas. Mais bon, franchement, j'y croyais pas. Hein. J'ai lancé ça. Voilà. Si, c'est ça. On dit pas. Alors, on demande aux gens de se creuser la tête et de nous dire voilà, la prochaine fois. Alors, dans 15 jours, moi, je serai pas là. Mais bon, voilà, je vous préviens tout de suite là maintenant. Ça, c'est des coups. Est-ce que je me retrouve tout seul, ça? Hein, c'est des coups, est-ce que je me retrouve tout seul? Non, mais non. Mais non, il a fait le plein d'essence. Marcus. Allons donc. Ta chaise grince. Ta chaise grince, toi aussi tu grinces. Oui, alors vous pouvez nous retrouver le mardi à 16h. À 16h et le samedi. À minuit. Voilà. Minuit. Voilà. Voilà. Et puis sur le 107 FM. Et puis tout le reste du temps, vous pouvez écouter aussi quelques bonnes petites émissions et bonne musique. On vous souhaite à tous une excellente soirée, en espérant que vous avez bien goûté tous ces jolis petits morceaux musicaux, sauf ceux de Philippe qui étaient un peu bizarres. Un peu étrange. J'ai trouvé. Là, l'air. Bizarre, bon, bis à tous. Allez, bye bye. Bye.